La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les mathématiques sont-elles dans la réalité ? Il y a cette petite histoire qu'on raconte souvent, du moins en certains cercles. Deux mathématiciens sont dans la brousse pour une raison qui ne sera pas précisée et qui n'a de toute façon aucune importance. Chaque soir, ils plantent leur tente sur un terrain dégagé. Un beau matin, l'un d'entre eux est réveillé par des bruits étranges. Intrigué, il glisse sa tête hors de la tente et voit son camarade qui court autour en étant poursuivi par un lion. Il s'inquiète de son sort, mais l'autre lui répond d'une voix calme « Ne t'en fais pas pour moi, mon ami. Le danger est plus apparent que réel, car j'ai 2 tours d'avance. » Fin de citation. Cet argument que ceux qui sont insensibles aux histoires de modulo 2π auront du mal à trouver rassurant invite à poser, même si c'est de façon très indirecte, la question du statut des mathématiques. Les mathématiques sont-elles à la marge de la réalité empirique, confinées dans un monde séparé du monde physique ? Ou faut-il les inclure dans une sorte d'extension intégrale du réel ? En d'autres termes, le monde physique est-il à l'intérieur même du monde mathématique ? Ou se déploie-t-il à côté de lui ? Autre question qui ont peut-être à voir avec les précédentes, peut-on écrire des romans mathématiques ? Et quel lien y a-t-il entre les mathématiques et la musique ? Pour discuter de toutes ces questions, j'ai invité Alain Cohn. Bonjour Alain Cohn. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et de géométrie. Vous avez obtenu la médaille Fields en 1982 et vous publiez ces jours-ci votre second roman, Le Spectre d'Akatama, coécrit comme le premier avec Dany Chérault et Jacques Dixmier. Je suis absolument ravi de vous recevoir. Merci. Je dois vous dire que j'ai lu quelques romans dans ma vie et je n'en ai jamais lu qui ressemble même de très loin à celui que vous venez de publier. Vous l'avez écrit à 3, je l'ai dit. Bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un roman à 3 personnes ? En fait, il y a un sous-titre du roman qui est « Trio pour la fin du temps ». Et ce roman a été écrit exactement comme de la musique de chambre et joué par 3 instruments, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avait un rôle et ces rôles étaient complémentaires. Et ça se voit très bien dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une partie du livre qui est littéraire, et ça c'est Dany Chérault. Il y a une partie du livre qui est plus du côté roman policier, science, c'est Jacques Dixmier. Et puis il y a la partie qui me revient et qui est plus du côté, maths et musique, voilà. Oui, très maths même, hein, on pourrait très dire. Très maths, mais maths et musique, beaucoup. Maths et musique. Alors je ne poserai pas la question traditionnelle du rapport entre nombre et grandeur, pour dire les choses simplement. En quoi est-ce le même nombre 3 que nous utilisons pour dire que vous vous êtes mis à 3 pour lire le roman, ou pour dire que le prochain métro part dans 3 minutes. C'est le même nombre 3, et pourtant c'est pas les mêmes quantités qui sont désignées. Bien sûr, mais je veux dire, le nombre 3 abstraitement est défini par la cardinalité, c'est-à-dire par le... Peu importe si c'est 3 pommes ou 3 poires, ou peu importe. Non, je sais bien, mais voilà. Je voulais vous titiller là-dessus. D'accord. Et je pense qu'on n'aura pas le temps, et d'ailleurs... C'est pas mon intention de résumer ce roman incroyable, mais simplement de préciser que c'est une enquête scientifique qui mêle la question du temps, les nombres premiers, la forme de l'univers, le capitaine Haddock, l'intrication quantique, les nuages de Magellan, vous dites bien sûr comme si ça allait de soi, les topos de Grothendieck, la conjecture de Riemann et surtout, mais aussi la musique de Messiaen. Bien sûr. Et j'en passe. Et je vous propose qu'on interroge certaines des notions que vous utilisez dans ce roman. Tout à fait. En commençant peut-être par dire qu'est ce désert d'Akatama. Oui. Je pense que c'est la partie de la Terre qui, si on regarde la Terre de loin, se distingue le plus facilement, parce que c'est un désert, et c'est la partie sans doute qui est la plus sèche, qui a une atmosphère la plus spéciale, et qui a permis justement de faire la NASA a fait des expériences pour simuler la présence sur Mars, etc., dans cet endroit. Donc c'est un endroit extrêmement spécial. Et c'est aussi un endroit qui a malheureusement des consonances qui rappellent le temps de Pinochet et ce qui a été fait à ce moment-là. Donc c'est un endroit qui est très chargé à la fois au niveau géographique et aussi au niveau des souvenirs qui s'y rattachent. Et c'est aussi là qu'on a installé le Very Large Telescope. C'est là qu'il y a des qualités atmosphériques extraordinaires pour installer des télescopes, parce qu'il y a à la fois l'altitude, puisque il y a des le télescope est installé à plus de 5000 mètres, mais il y a aussi la sécheresse de l'atmosphère qui fait que les réverbérations, les fluctuations qu'on a normalement dues à l'atmosphère ne sont pas présentes. Et en particulier, par exemple, les étoiles ne scintillent pas. Contrairement à ce qui se passe lorsqu'on est en bas et dans l'atmosphère terrestre. Donc effectivement, c'est un endroit extraordinaire. Et le roman part de cet endroit-là, bien sûr. Cet endroit. Il y a un très beau film qui s'appelle La Nostalgie de la Lumière qui raconte, qui entremêle les aspects que vous évoquez. Bien sûr, c'est un très beau film. Bien sûr, La Nostalgie de la Luz. Alors il y a un héros dans ce roman, comme dans tous les grands romans, qui s'appelle Armand. Oui. Donc vous dites que c'est un gars qui se laisse compter fleurette par les signes. Voilà. Il est mathématicien et il se laisse compter fleurette par les signes. Et nous avons dans le livre essayé d'expliquer cette notion, parce que c'est une notion qui est peu prisée, peu familière parmi les scientifiques, mais que tout le monde connaît et qui en fait a été merveilleusement décrite par Shakespeare. C'est Shakespeare qui l'a de loin le mieux décrite. Et ce que dit Shakespeare, c'est « There is a tide in the affairs of men. When taken to the flood, it leads on to fortune. Ignored, their entire life is bound to shallows and miseries. » Donc, ce qu'il dit, et bien sûr, ça a été infiniment mal traduit dans toutes les traductions qu'on a vues, donc on l'a retraduit. Quelle serait votre traduction ? La traduction, c'est, il est une marée dans les affaires des hommes, qui prise, si vous voulez, à l'apogée, mène à la fortune, et qui ignorait la vie entière et dans les écueils, dans les échecs, etc. Donc, si vous voulez, c'est une phrase extrêmement profonde, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il arrive dans la vie d'un scientifique, en fait, ça arrive plus souvent qu'on ne croit, qu'il y ait quelque chose d'impalpable, quelque chose qui est très difficile à définir rationnellement, mais qui indique une direction. Et évidemment, si on est trop rationnel, on peut l'ignorer complètement. Et si par contre on se laisse guider par sa propre intuition et par le fait que justement il y a des analogies, il y a des choses qui sont difficiles à définir mais qui en fait ont un sens, si on essaie de déchiffrer ce sens-là, eh bien à ce moment-là, on avance. Donc, bien sûr, on pourrait parler de sérendipité, de choses comme ça, mais je veux dire, c'était connu du temps de Shakespeare, et Shakespeare l'a merveilleusement dit. Non seulement il l'a compris, c'est quelque chose qui est très difficile à dire, parce que si on essaye de le dire rationnellement, ça va le détruire. Mais il faut le dire de manière poétique, et il faut... Donc, alors, ça fait partie du livre, c'est un ingrédient du livre, c'est un ingrédient important, parce que, en fait, justement, le héros suit... cette petite musique, il suit ce signe indéfinissable. Il est appelé par un spectre. Il est appelé par un spectre. Bien sûr. Alors, le spectre est tout à fait réel, mais par contre, il arrive à suivre comme ça cette espèce d'intuition qui le mène très très loin, et puis bon, qui le mène sur un parcours. Et c'est finalement ce parcours que l'on suit pendant au moins une bonne partie du livre. Voilà. Oui, alors on pourrait dire que votre livre, il est, Alain Cohn, il est traversé par plusieurs sortes de spectres. Oui, bien sûr. Notamment celui de Grothendieck qui apparaît. Bien sûr. Alors, Misha Gromov, grand mathématicien que vous connaissez très bien, qui a eu le prix Abel en 2009, définissait ainsi le génie de Grothendieck. Oui. Il disait, il a introduit une nouvelle manière de penser, importante non seulement pour les mathématiciens, mais pour toute la pensée humaine. C'est une manière de penser où l'on commence par rassembler les choses simples, les choses absolument évidentes. Le plus important est de partir de quelque chose que l'on a sous les yeux. Et son génie consistait en partie à saisir le potentiel créatif de ces choses absolument évidentes que n'importe qui d'autre aurait négligées. Alors que lui s'arrêtait à cela, le formalisait et en faisait quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai un exemple, j'ai une question à vous poser. Je vous donne une plaquette de chocolat, qui est un objet assez évident. Bien sûr. Comment est-ce que vous pourriez l'utiliser pour m'expliquer ce qu'on appelle une démonstration par récurrence ? Voilà, alors ça, on le fait dans le livre, bien sûr, mais l'idée, c'est la suivante, c'est que, très souvent, les gens sont démunis devant un problème de mathématiques parce qu'ils n'ont pas de technique générale. Alors, la tablette de chocolat permet d'illustrer une technique générale qui s'applique à tous les problèmes. C'est-à-dire, on prend une tablette de chocolat et il se peut que cette tablette de chocolat soit assez compliquée. Qu'elle est par exemple, je ne sais pas moi, 6 carreaux sur 8 carreaux ou 6 carreaux sur 5 carreaux. Et on demande comment on peut quelle est la manière la plus économique de la découper en la cassant de manière successive, de telle sorte que finalement on n'obtienne que des petits carreaux, que des carreaux isolés. Alors, quelle est la technique générale, qui est beaucoup plus importante que le problème particulier ? Quelle est la technique générale du mathématicien ? La technique générale du mathématicien consiste, devant un problème de cette sorte, au lieu d'attaquer le problème avec la tablette qui fait 6 fois 8, à généraliser le problème. Alors ça paraît complètement idiot, parce que on se dit, ben, le problème il est suffisamment compliqué comme ça, si on le généralise, on va, au lieu d'avoir un seul problème, on va avoir une infinité de problèmes. Donc que fait le mathématicien ? Il généralise. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour généraliser ? Il dit que la tablette, au lieu d'avoir 6 carreaux fois 8 carreaux, elle va avoir n carreaux fois m carreaux. On introduit une variabilité dans le problème. Quel est l'intérêt d'introduire cette variabilité ? L'intérêt qui est fantastique, c'est que maintenant, on va pouvoir donner à n et m des valeurs, mais des valeurs beaucoup plus simples que les valeurs 6 et 8 dont on est parti. Et en particulier, on va commencer par n égale 1 et m égale 2. Donc on a une tablette qui fait 2 carreaux. On voit bien que ben, on peut la casser d'une seule manière et qu'on va... Donc, il y a une seule manière de le faire. On était parti de 2 carreaux, on a une seule, et il y a une seule cassure. Ensuite, on continue. On s'amuse avec une tablette de 3 carreaux. Avec 3 carreaux, on voit bien que... il faut 2 cassures. Et puis, quelle que soit la manière dont on le fait, on aura toujours 2 cassures et pas autrement. Alors après, on peut se dire, bon, ben d'accord, 3 carreaux, ça... Maintenant, on va essayer avec 4 carreaux. Alors, avec 4 carreaux, on va soit avoir une tablette qui fait 4 carreaux alignés, soit une tablette carrée avec les 4 carreaux. Et puis là, on s'amuse, etc. Et puis on commence à voir quelque chose. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que à partir du moment où on a généralisé, où on a introduit une variabilité, eh bien, en fait, on commence à monter un escalier. C'est-à-dire qu'on commence par les cas les plus simples, devant lesquels il est impossible de ne pas trouver la réponse. Et puis ensuite, on va monter l'escalier. Donc, il y a un escalier qui va se mettre en place devant nous, et qui va nous permettre de réfléchir, et de réfléchir à des cas de plus en plus compliqués, mais du fait que c'est un escalier, et qu'on a déjà franchi les marches qui sont antérieures, eh bien, la difficulté va se dérouler de manière progressive. C'est-à-dire, au lieu d'être devant un mur, on va être, au contraire, devant une pente qui est beaucoup plus douce. C'est comme si on était en montagne et qu'on voulait franchir une falaise. Eh bien, si on a un escalier, c'est infiniment plus simple. Donc, c'est l'idée. C'est l'idée. Et alors, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle des conjectures. C'est-à-dire que, bien qu'on soit pas encore capable de démontrer le cas général, on va pouvoir deviner ce qui va se passer dans le cas général. On va aller assez loin. Bon, ben, il y a des gens qui comprendront très vite, il y a des gens qui comprendront moins vite, mais peu importe, justement. Et Grothendieck était un exemple de quelqu'un qui comprenait pas forcément très vite. Il le disait dans Récolte et Semaille. Je veux dire, il était pas rapide. Mais justement, il avait cet esprit de synthèse qui lui permettait quelque chose d'extraordinaire. En fait, la meilleure manière de décrire sa manière de fonctionner, c'est sans doute Serre qui l'a donné quand il disait que Grothendieck... Jean-Pierre Serre, quand il disait que Grothendieck avait comme technique de laisser les problèmes se dissoudre dans une marée montante de théorie générale. Oui, il faut pas les attaquer frontalement, dites-vous. Voilà. Il faut les laisser se dissoudre dans une marée montante de théorie générale. Donc ça, c'est vrai. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Revenons au chocolat. Voilà, revenons au chocolat. Donc si on revient au chocolat, au bout d'un moment, on s'aperçoit, en prenant des exemples très simples, qu'on arrive à faire la conjecture qu'en fait, d'abord, le nombre de cassures, c'est toujours le nombre total de carreaux moins 1. Et que d'autre part, peu importe la manière dont on casse la tablette, ça reviendra toujours au même. Alors après, on se dit, mais d'accord, mais comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer une infinité de cas, puisque finalement, on est devant une infinité de cas lorsqu'on a généralisé le problème. Et la démonstration, c'est le prototype de ce qu'on appelle une démonstration par récurrence. On prend une tablette quelconque, mais on suppose qu'on a déjà traité toutes les tablettes dont le nombre de carreaux est plus petit. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend la grande tablette, on la casse en deux. Peu importe comment on la casse en deux. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient deux tablettes qu'on a déjà traitées. Comme les deux tablettes, on les a déjà traitées, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, on sait que pour chacune des deux tablettes qu'on a déjà traitées, les manières de casser n'importe peu, et le nombre de cassures sera le nombre de carreaux moins 1. Mais on a déjà fait une cassure au début. Pour rajouter une. Donc, en rajoutant tout ça, on s'aperçoit qu'on a démontré que pour la tablette de départ, c'était gagné, et que le nombre de cassures était égal au nombre total de carreaux moins 1, et qu'en plus, ça ne dépendait pas de la manière de casser. Donc, on voit là la puissance des mathématiques. Je pense que la clarté de votre explication milite pour qu'on introduise les tablettes de chocolat dans les cours de mathématiques. Disons que Il y a plusieurs enseignements dans cet exemple, et c'est pour ça qu'on l'a mis dès le début du livre. Il y a plusieurs enseignements, mais l'enseignement le plus important, de loin le plus important, c'est pas seulement la récurrence, c'est pas seulement cet exemple-là, mais c'est le fait que devant un problème, on a des outils extraordinaires, généraux, qu'on a toujours dans sa poche. Et l'un de ces outils est de généraliser le problème et de le spécialiser à un cas beaucoup plus simple. Est-ce que vous l'avez rencontré dans votre carrière, Grothendieck? Je l'ai rencontré à travers ses écrits. Donc, au moment où j'ai commencé moi-même à faire des mathématiques, Grothendieck était très connu, il était entouré d'une cour qui était peu attirante pour un mathématicien qui voulait commencer sa carrière. Donc je m'étais tenu à l'écart de cette cour, mais j'ai découvert sa profondeur, j'ai découvert son intelligence, j'ai découvert ses qualités justement de transmission de son enthousiasme, de transmission de toute son expérience mathématique à travers Récolte et Semaille, c'est-à-dire à travers ses écrits. Et beaucoup plus tard, j'ai découvert la découverte majeure qu'il a faite et qui est celle des topos. Et ça, on l'explique un petit peu dans le livre, bien sûr. Mais c'est une découverte extraordinaire parce que, surtout, pas tellement parce que ça généralise les espaces, bon, parce qu'il y a d'autres généralisations de l'espace. Moi-même, j'ai travaillé sur les espaces non commutatifs, mais beaucoup plus par l'originalité du point de vue qu'il introduit. C'est-à-dire que c'est un point de vue dans lequel l'espace n'est jamais présent au devant de la scène. Il est dans les coulisses, comme vous dites. Il est dans les coulisses. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on puisse comprendre un espace, on puisse comprendre ses invariants cohomologiques, etc., sans jamais le voir. Il est présent derrière, dans les coulisses, comme une espèce de deus ex machina, et c'est lui qui introduit dans la théorie des ensembles une variabilité. C'est-à-dire qu'on va faire de la théorie des ensembles comme on en fait d'habitude. On va avoir des groupes, on va avoir des anneaux, on va avoir tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on a d'habitude. Mais ils ont tous une variabilité cachée. C'est-à-dire, il y a ce deus ex machina qui est dans les coulisses. Les personnages sont les mêmes. On va revenir au topos, parce que c'est une notion centrale dans votre livre. Mais quand on dit qu'on le sait, à partir de l'âge de 60 ans, c'est retranché de la vie sociale. Bien avant. Presque disparu, disons. Oui. Et d'ailleurs, votre héros, Armand, à un moment, il disparaît. Enfin, il s'enfuit, absolument. Disons. Et vous citez à ce propos-là Majorana, qui est un physicien sicilien assez génial, qui a disparu lui-même volontairement en 1938. Sur lequel vous avez écrit un livre. Je voulais savoir si vous aviez vous-même une interprétation de ce qui fait qu'un chercheur de très haut niveau peut avoir l'envie de prendre la tangente. Dans le cas de Grothendieck ou bien dans le cas de Majorana? Je pense qu'en fait c'est très simple parce que la notoriété est orthogonale à l'intériorité nécessaire à la recherche. Et je pense que, effectivement, dès que on atteint un certain niveau, qui était le niveau que Grothendieck avait atteint de notoriété, qui était tout à fait extraordinaire, à la fin des années 60, au début des années 70, et je pense que ça peut assez souvent avoir comme effet un effet de déstabilisation et un effet qui est tout à fait, comme je le disais, orthogonal à cette espèce de besoin pour la recherche d'être seul. La recherche, et ça Grothendieck le dit aussi, c'est quelque chose qui se fait de manière complètement solitaire. Ce que vous dites là est sans doute très vrai pour Grothendieck, mais pour Majorana, non. En 1938, on ne sait pas, vous en savez beaucoup plus que moi, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé, on ne sait pas s'il a essayé d'échapper à sa propre vie en faisant semblant de disparaître. Donc en fait, je ne sais pas, je n'ai aucune conjecture sur lui, mais ça je ne saurais pas dire. J'ai pas d'idée sur ce qui a pu le traverser. Peut-être qu'il s'est suicidé, ça vraiment, je pense. Vous savez, dans la conversation scientifique, c'est comme en mathématiques, il y a des règles. Oui. Et parmi ces règles, il y a qu'au bout de 20 minutes, on passe un morceau de musique que vous avez choisi. D'accord. On va écouter ce morceau de Messiaen qui joue un rôle très important. Bien sûr. Peut-être même, c'est la clé de votre roman. Thank you. Alain Cohn, de oui. Quelle œuvre de Messiaen s'agit-il ? Alors, il s'agit du deuxième mouvement du Quatuor pour la fin du temps, qui a été composé par Messiaen alors qu'il était en camp de concentration pendant la guerre. Et c'est un morceau extraordinaire. Et en fait, dans la genèse du livre, Messiaen a joué un rôle absolument essentiel qui s'est révélé petit à petit. Et la manière dont, si vous voulez, l'influence de Messiaen s'est révélée, elle a à voir précisément avec ce que j'expliquais tout à l'heure, du fait que cette stratégie des mathématiciens, qui confrontés à un problème, doivent d'abord le généraliser et ensuite le spécialiser à quelque chose de plus simple. Et en fait, donc, le spectre d'Atacama est un des rôles essentiels dans le livre, est joué par un problème mathématique qui est toujours non résolu, qui est un problème de théorie des nombres. Et c'est un problème qui a à voir avec les nombres premiers et avec ce qu'on appelle l'aléa des nombres premiers, avec le fait que, si vous voulez, en fait, lorsque on regarde la répartition des nombres premiers de plus en plus loin, on s'aperçoit que ça obéit à quelque chose qui a l'air complètement aléatoire. Et un mathématicien du 19e siècle, Bernard Riemann, a relié cet aléatoire des nombres premiers à de la musique, si vous voulez, à quelque chose qui est relié à un spectre. Et le problème qui est posé par Riemann, qui a fait une conjecture, comme on en parlait tout à l'heure... C'est plus compliqué pour le chocolat, quand même. Hein. Comment ? C'est plus compliqué que le chocolat. Mais ce problème, les mathématiciens l'ont généralisé pour le résoudre dans un cas plus simple. Et la personne qui l'a résolu dans un cas plus simple, le mathématicien qui l'a résolu dans un cas plus simple, c'est André Weil. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'occasion du livre, on s'est aperçu que le théorème d'André Weil pouvait, en fait, s'illustrer musicalement et que, en fait, ce théorème d'André Weil donnait à des rythmes musicaux, non pas à une mélodie, mais donner des rythmes musicaux qui obéissaient exactement aux lois que Messiaen avait introduites. Ça, vous l'avez découvert au cours de l'écriture. On l'a découvert au cours de l'écriture, c'est-à-dire qu'au départ, notre sujet était le problème initial de Riemann, ça n'était pas du tout le cas plus simple résolu par André Weil, mais au cours de l'écriture du livre, s'est révélé que, alors que les gens pensent toujours aux zéros de zeta comme des énergies, les physiciens y pensent comme ça, en fait, le cas plus simple impose de ne plus y penser comme des énergies, mais d'y penser comme des temps. C'est-à-dire d'y penser comme des temps d'attaque. Et lorsqu'on a regardé plus en détail ces temps d'attaque et comment ils se manifestent, on s'est aperçu que... On s'est aperçu finalement que ces temps d'attaque pouvaient servir à interpréter un morceau de musique. Et que ces temps d'attaque, donc, quand on avait un exemple comme celui de Zeta, mais un exemple plus simple, c'est-à-dire les exemples étudiés par André Weil... Ah, vous parlez de Zeta comme si c'était une copine, alors que c'est la fonction Zeta de Riemann. Bien sûr, mais on va pas en parler en détail. Ce qui compte, c'est que, exactement comme dans le problème des tablettes de chocolat, cette fonction de Zeta, elle a des avatars plus simples. Et parmi ces avatars plus simples, il y a ceux étudiés par André Weil. Et alors, c'est ce qu'on appelle, disons, par exemple, une courbe hyperelliptique. À cette courbe hyperelliptique va correspondre, pour chaque nombre premier, un rythme qui est palindromique et qui est exactement un rythme à la Messiaen. Et alors, donc, on a utilisé ça dans le livre, bien entendu. Mais ce qui nous a fasciné, c'est de voir que dans son traité, parce que Messiaen a écrit un traité en 7 volumes, un traité énorme, sur les couleurs, le rythme et l'ornithologie. Donc, dans son traité, Messiaen introduit 2 notions fondamentales. Il introduit le fait que les temps d'attaque peuvent être irrationnels. Il introduit aussi le fait que les rythmes doivent être, comme il dit, non rétrogradables. Et il a toute une explication de ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que c'est des rythmes qui sont symétriques. C'est-à-dire, si on les lit dans l'autre sens, on obtiendra le même rythme. Et c'est l'équation fonctionnelle qui fait que les rythmes obtenus à partir des avatars d'André Weil sont palindromiques. Il vérifie exactement la condition de Messiaen. Mais est-ce que ça veut dire que quand vous écoutez ce morceau de musique que nous avons tous entendu tout à l'heure, vous y entendez, vous y décelez des choses que nous ne pouvons pas déceler? Ça a changé votre façon d'écouter Messiaen? Non, le morceau qu'on vient d'entendre a une autre signification, en fait, plus directe par rapport au livre, qui est que la couverture du livre, par exemple, est illustrée par ce morceau, parce que ça a à voir avec l'Apocalypse, avec le numéro 10 de l'Apocalypse, et c'est ce qu'illustre Messiaen dans son morceau, c'est la descente de l'ange, et le chant très bizarre que l'on entend, c'est l'ange qui parle. Donc ça, quand je dis que votre roman est incroyable, c'est ça que je veux dire. Il est entrelacé de manière absolument incroyable. C'est-à-dire le réel et le monde mathématique s'imbriquent d'une façon presque à toutes les pages. Presque à toutes les pages. Et donc il faut être très concentré, je préviens les lecteurs potentiels. Ah oui, bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut savoir... Surtout la fin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le lire comme un roman. C'est un roman. Et je pense que c'est un roman. Il faut le lire comme un roman. Mais par osmose, en fait... Et parce que justement, il y a un tas de choses qui sont imbriquées les unes entre les autres, etc., et qui vont pénétrer, je pense, le lecteur. Donc par osmose, on peut arriver à avoir une intuition, parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui est très difficile à transmettre. Quand on écrit un article de mathématiques, en général, ce n'est pas l'intuition qui est transmise. Ce qui est transmis, ce sont des formules. Dans ce livre, il n'y a aucune formule. Mais on essaye... par osmose, par la poésie, par ce qui se passe dans le roman, etc. Et surtout par ce rapport avec la musique qui est extraordinaire et qu'on a dévoilé au fur et à mesure de notre écriture, on essaye de transmettre une intuition qui est derrière. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, il y a cette figure du topos que vous avez déjà évoqué, Alain Cohn, il y a celle des motifs. Bien sûr. On a dit l'espace qui d'habitude occupe le devant de la scène, grâce au topos, qui est une sorte de métamorphose de l'idée d'espace, elle est plutôt dans les coulisses. Tout à fait. Est-ce qu'on peut illustrer ça autrement? Et est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'espace s'appliquerait aussi au temps? Alors, il y a un élément fondamental du livre qu'il ne faut pas éluder, et qui est le suivant. Dans le précédent roman, nous avions pris comme sujet le temps. Je peux citer des phrases, si vous me permettez. Dans le théâtre quantique, il y a des phrases qui m'avaient mis par terre. Oui. Par exemple, vous aviez dit « c'est l'effervescence quantique qui engendre le passage du temps ». Voilà. Il y a une autre phrase un peu plus loin qui est « l'aléa quantique et le tic-tac de l'horloge divine ». Voilà, voilà. Et puis vous terminez par « un état sur une algèbre non commutative engendre son propre temps ». Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez saisi ce qu'on appelle le moteur du temps, c'est-à-dire le fait qu'il y a une dynamique cachée qui fait que les instants se renouvellent? Alors ça, donc c'était un sujet qui revient d'ailleurs dans le livre actuel, et qui est effectivement une intuition assez difficile à... Mais qui est effectivement que ce qu'a découvert Heisenberg, c'est-à-dire la non-commutativité, est le moteur du temps. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup, puisqu'on en a parlé beaucoup dans le premier livre. AB n'est pas égal à BA. C'est ça qui fait qu'il y a un ordre. Alors, ce livre, le livre dont on parle, c'est-à-dire Le spectre d'Atacama, donc, qui a été merveilleusement publié par Odile Jacob, si vous voulez, ce livre, il a un autre but que le temps, c'est l'espace. Et il est complémentaire en ce sens. Et le thème du livre, le thème sous-jacent du livre, c'est que l'espace se manifeste par sa musique. Et pour comprendre cela, pour comprendre cette musique des formes qui est sous-jacente, en fait, il faut se poser une question très simple. La question très simple, c'est comment pourrions-nous transmettre notre position dans l'univers de manière invariante? Alors évidemment, des gens très savants vous diraient, ben, il suffit de transmettre vos coordonnées dans un système de la généralité, de la relativité générale. Mais bien sûr, tout ça, c'est complètement en circuit fermé. Et en fait, ça pose un problème mathématique qui est celui de pouvoir définir un espace de par des invariants. Et on s'aperçoit quand on réfléchit à ce problème qu'en fait, il y a un invariant de l'espace qui est absolument fondamental, c'est sa musique. C'est-à-dire, un espace, en fait, il a une gamme qui lui est associée, et ça, on en parle beaucoup dans le livre, toujours sans formule, hein, c'est-à-dire bon, de manière intuitive. Il y a des pages extraordinaires, vous dites, oui. Si par exemple, je vous dis que 3,5 à la puissance 12 est très proche de 2 à la puissance 7, oui. C'est à peu près 129, oui, 7, c'est ça, 130, 130. Oui, oui, oui. Ça vous fait quoi? Eh bien, ça me dit que c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle les frettes sur une guitare. C'est-à-dire, quand on voit une guitare, on ne fait jamais attention au fait que les frettes sur la guitare, c'est-à-dire les petites barres qui sont perpendiculaires aux manches de la guitare, elles ne sont pas espacées de manière égale. Elles ne sont pas espacées de manière égale. Et quand on réfléchit, on se dit, mais bon, c'est bizarre quand même qu'elles ne soient pas espacées de manière égale. Et quand on réfléchit, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont mises sous la forme d'un spectre et que ce spectre, il est très particulier. Il est formé des puissances d'un nombre. Ce nombre, c'est un nombre qui est très proche de la racine 12e de 2 et de la racine 19e de 3. Et ça, c'est bien sûr relié à ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que, bon, quand on élève 3,5 à une puissance convenable, on va obtenir pratiquement 128, qui est une puissance de 2. Donc, en fait, c'est toute l'explication du nombre 12 qui est derrière toute la musique classique, derrière le dodécaphonisme, etc., et qui ne fait, en fait, que considérer deux nombres premiers, les deux premiers, c'est-à-dire 2 et 3, et leurs relations. On triche un peu. Vous dites la guitare triche, le violon ne triche pas. Et le violon ne triche pas, pourquoi? Et ça, tout ça, c'est spectral, tout ça, c'est relié au spectre. C'est-à-dire que la guitare, elle a un spectre discret, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne considère comme valable que les fréquences qui correspondent à ces frettes-là, d'accord? Alors que le violon, lui, il n'y a pas de marque sur le violon. Donc un violoniste, s'il est suffisamment fort, il peut approcher n'importe quel nombre. Et donc, il ne triche pas. Et c'est ce qu'on appelle en mathématiques un spectre continu. Donc ça nous permet d'illustrer des notions fondamentales en mathématiques. C'est-à-dire mais aussi que le violoniste, en physique. Il doit lui-même déterminer son rapport à l'espace. Le violoniste, il est capable, a priori, d'avoir dans son cerveau ce qu'on appelle une échelle exponentielle qui lui permettra de régler le son qu'il veut de telle sorte qu'on n'ait plus cette approximation qui fait croire que la racine 12e de 2 est égale à la racine 19e de 3, mais qu'il obtienne, par exemple, des rapports de fréquences qui sont exacts. Puisque l'oreille est sensible à la multiplication des fréquences par 2, à la multiplication des fréquences par 3. Alors, c'est des pages que j'ai trouvées absolument fascinantes dans votre livre. Oui. C'est extrêmement bien expliqué, pour le coup. Oui. Même s'il n'y a pas de formule. On comprend la démarche. Voilà. Mais vous-même, oui. Alain Cohn, vous avez... écrit de la musique. Oui. Alors, j'ai toujours... en fait, quand j'étais à l'école normale, j'avais hésité. J'avais hésité entre... si vous voulez, j'avais à un moment donné hésité à me lancer dans la musique moderne, etc. Puis bon, en fait, je veux dire, j'avais reculé tout de suite parce que j'avais pas tellement apprécié le milieu tel qu'il existait. Mais j'avais toujours espéré pouvoir trouver une vraie raison de composer de la musique. Et cette vraie raison est apparue à l'occasion de l'écriture du livre. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a compris que les exemples trouvés par André Weil, on dirait des motifs, ça s'appelle des motifs de point et demi, mais enfin peu importe, c'est un terme technique, donnent des interprètes, c'est-à-dire que donnent des rythmes extrêmement particuliers et extrêmement, comment dire, révélateurs de leur structure, eh bien à ce moment-là, j'ai voulu composer un morceau qui associe à chaque nombre premier une ligne musicale, d'accord, et qu'ensuite, je ferai interpréter par les motifs. Et j'ai pris des cas très simples, c'est-à-dire, j'ai pris ce qu'on appelle une courbe hyperelliptique de genre 5. Très simple. Très simple. Bon, de telle sorte que elle me permettait d'avoir un rythme palindromique qui était formé de 10 temps d'attaque, qui était palindromique, bien sûr. Mais, donc, il fallait après que je trouve pour chaque nombre premier une mélodie. Alors j'ai cherché très longtemps à trouver une mélodie associée à chaque nombre premier, puis j'ai fini par trouver une formule mathématique qui est justement basée sur la racine 12e de 2 ou la racine 19e de 3, et qui est basée sur le fait que c'est un motif de point et demi, c'est-à-dire qu'il faut prendre la racine carrée des nombres premiers. Alors à partir de là, j'ai obtenu pour chacun des nombres premiers entre 7 et 67 une ligne mélodique, et ensuite j'ai harmonisé cette ligne mélodique. Alors bon, je ne suis pas un musicien professionnel, donc j'ai harmonisé à ma manière, on va entendre ce que ça donne. Mais ce qui était très important, c'est qu'une fois que j'avais pu harmoniser cette ligne mélodique, d'ailleurs elle sera harmonisée par une bien meilleure musicienne que moi bientôt, c'est Lydie Solomon, mais en tout cas moi j'ai fait un essai, si vous voulez, c'est cet essai-là qu'on va entendre. Mais une fois que j'avais harmonisé ça, eh bien ça donnait pour chacun des nombres premiers entre 7 et 67 une ligne musicale harmonisé, mais qu'on va d'abord entendre de manière égale, c'est-à-dire avec des temps d'attaque qui sont parfaitement réguliers, et puis ensuite on va les entendre par un premier motif qui lui va les jouer de manière très particulière. On va les écouter, mais avant je voudrais quand même faire remarquer, si vous permettez, que vous êtes quand même un drôle d'oiseau. C'est-à-dire le fait d'écrire de faire des mathématiques vous conduit à écrire un roman, et le fait d'écrire un roman vous conduit à composer de la musique. Tout à fait. Comment ça va-t-il finir? Ben je sais pas, mais en tout cas, ce qui est amusant aussi, c'est que en fait derrière cette musique, il y a une vidéo. Il y a une vidéo qui est reliée au Crypte d'Ératosthène et qui donne une espèce de chorégraphie et en fait qui permet de beaucoup mieux comprendre, parce qu'on visualise aussi chaque motif, c'est-à-dire on voit les zéros de sa fonction de zeta, etc. Donc on arrive à visualiser comment les temps d'attaque qu'il donne vont être irrationnels, exactement comme Messiaen les propose, et vont avoir cette palindromie qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Écoutons, voilà. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Voilà. Voilà un morceau de musique composé par Alain Cohn et interprété par son ordinateur, on peut dire ça? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme les temps d'attaque sont irrationnels, on ne peut pas demander à un pianiste... C'est injouable au piano. C'est pas injouable. On peut le mettre en fichier MIDI et le traduire en... Mais je veux dire, si on veut vraiment que ça soit le motif qui le joue, ça c'est la deuxième partie des morceaux. On voit bien que là, c'est impossible à jouer. C'est-à-dire que... Mais est-ce que vous lui avez donné un titre à cette composition? Oui, on pourrait dire par exemple interprétation motivique, si vous voulez, pour le motivique. Oui, puisque c'est chaque motif qui est un interprète différent. On écoutera tout à l'heure deux autres motifs. Il faut bien comprendre aussi que les rythmes s'accélèrent. C'est-à-dire que on part du nombre premier 7, c'est lui qui donne les 10 premières notes. Ensuite, il y a 11 qui donne les 10 notes suivantes et ainsi de suite. Mais le tempo s'accélère avec le logarithme du nombre premier. Et ça, c'est comment dire, c'est imposé par les maths, si vous voulez. Alors, pour nos auditeurs, il faut quand même expliquer un petit peu plus cette conjecture de Riemann, si vous voulez bien. Simplement rappeler qu'elle dit que les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont tous pour partie réelle 1/2. En quoi le fait de démontrer cette conjecture, donc de transformer cette conjecture en théorème, permettrait-il de mieux comprendre la répartition des nombres premiers? Bon, alors, d'abord, il faut que je dise, que je traduise en termes musicaux ce que signifie la conjecture de Riemann quand on prend le cas plus simple qu'André Weil a trouvé et qu'on la traduit sous forme de musique comme on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça signifierait qu'elle n'est pas vraie? Ben, ça signifierait qu'au lieu d'avoir des notes précises comme celles qu'on vient d'entendre, on aurait une espèce de bruit à un moment donné. C'est exactement ça que ça veut dire. On aurait ce que les physiciens appellent une résonance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un spectre qui était précis, on aurait une espèce de tache. On aurait une résonance. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les nombres premiers? Ce que Riemann a démontré, qui est absolument extraordinaire, et en fait, lui, il cherchait pas une formule asymptotique, il voulait une formule exacte qui donne le nombre de nombres premiers plus petit que n. Et ce que Riemann a démontré, c'est qu'il a démontré, si vous voulez, qu'il y a un terme principal qui est celui que Gauss avait imaginé, mais ensuite, il y a des corrections à ce terme principal. Et ces corrections, elles sont dues précisément à de la musique. Et la conjecture de Riemann dit que les notes de cette musique sont des notes précises. Il n'y a pas de tache. S'il y avait une tache, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la perturbation qui est due à cette note qui est une tache est bien plus grande que celle qui est due à une note précise. Et ça signifierait pour les nombres premiers que... voilà ce qui se passerait. Ce que l'on pense pour les nombres premiers, ce que l'on sait pour les nombres premiers, c'est que si on va très loin, si on avance très loin, par exemple si on est autour de d'abord de 311 et puis de nombres premiers de plus en plus grands, eh bien la fréquence de nombres qui sont des nombres premiers par rapport aux nombres ordinaires, elle va être de l'ordre du nombre de chiffres, de l'inverse du nombre de chiffres. S'il y a deux fois plus de chiffres, il y a deux fois moins de chances de trouver. Exactement, voilà, d'accord. Donc ça, on le sait. Bon, en fait, il faut prendre le logarithme népérien, mais peu importe, ça ne va pas changer le fait que si on double le nombre de chiffres, il va y avoir deux fois moins de chances. Mais on s'attend à ce que là, exactement comme on a parlé tout à l'heure de l'aléa du topos, comme on a parlé dans le premier livre de l'aléa du quantique, eh bien, il y a un aléa des nombres premiers. Il y a un aléa des nombres premiers. Et la conjecture de Riemann est quelque chose qui dit que cet aléa des nombres premiers, il est vraiment aléatoire au sens le plus clair qu'on puisse avoir. Alors, si il y avait un défaut, c'est-à-dire que si une machine trouvait un zéro de zeta qui est très très loin mais qui n'est pas là où il faut, eh bien à ce moment-là, ça introduirait une perturbation, ça introduirait une gêne, ça introduirait une espèce de chaos qui ferait que, cette beauté cachée des nombres premiers, le fait qu'ils ont une régularité tout à fait insoupçonnée, serait brisée. D'accord, mais ça, ce serait la fin d'un rêve. Ce serait la fin. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est vraie, cette conjecture? Alors, dans le livre, le livre, on raconte une histoire lire dans le livre. Oui, on va pas la déflorer. L'histoire de Dieu. Voilà, bien sûr. Mais surtout l'histoire du diable. Et dans le livre, disons, on met les choses au point par rapport à ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, effectivement, la conjecture de Riemann est un exemple d'une conjecture mathématique qui pourrait être mise en défaut par une machine. Parce que, bon, effectivement, maintenant, on a des pouvoirs de calcul de l'ordinateur qui sont bien plus forts qu'on n'a jamais eu. Et ça veut dire qu'on peut monter. On pourrait trouver un cas qui viole cette conjecture. Mais qu'est-ce qui fait que, alors que nous sommes en 2018, elle a été posée en 1859 par Riemann, cette conjecture, qu'est-ce qui fait qu'elle est si difficile? Est-ce qu'on peut comprendre cette difficulté intrinsèque? En fait, ce qui est très intéressant dans la conjecture de Riemann, c'est justement la conséquence de cette difficulté intrinsèque. C'est-à-dire, si vous voulez, l'intérêt de cette conjecture, ce n'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, au moins à mes yeux. L'intérêt de cette conjecture, c'est qu'elle est tellement cachée, elle est tellement difficile, qu'en fait, elle a été le moteur de la plupart des inventions de concepts mathématiques, on peut dire au XXe siècle. Ça s'est fait de manière non ouverte. C'est-à-dire que jamais les gens ont dit « on fait ça pour la conjecture de Riemann », etc. Mais si on connaît suffisamment de choses, et si on regarde en détail, on s'aperçoit que, justement, le cas plus simple qu'on devait résoudre, qui a été considéré par Artin, par... Vous voulez dire qu'elle a agi comme une sorte de provocation inconsciente ? Non, elle a agi comme un moteur pour découvrir... Autre chose. Découvrir plus de paysages, plus de concepts, etc. Et en particulier, comme la transposition de la conjecture à d'autres cas évoquait un paysage géométrique, mais qui n'était pas le paysage géométrique usuel, qui était un paysage géométrique qui a à voir avec ce qu'on appelle les corps finis, etc. Ça impliquait qu'on a été obligé de développer la géométrie pour ces objets-là. Et c'est en fait ça qui a conduit Grothendieck à développer la géométrie algébrique comme il l'a fait et à développer les topos. Donc, je vais dire, bien sûr, il y a eu les conjectures de Weyl, ensuite, qui ont été résolues par Deligne, mais avec les outils donnés par Grothendieck. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt de cette conjecture, c'est pas tellement est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais c'est que c'est un moteur extraordinaire. C'est un peu comme si, quand les gens voulaient aller, je sais pas, au pôle, ou etc., et en fait, ou sur la Lune, et que, à l'occasion de vouloir aller sur la Lune, bon, est-ce que c'était vraiment important d'aller toucher le sol de la Lune? Ce qui était vraiment important, c'est tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été mis au point, tout ce qui a été découvert à l'occasion de ce but. Donc, on pourrait dire la même chose du boson de Higgs, auquel vous êtes beaucoup intéressé vous-même. Donc en fait, si vous voulez, le point important, la difficulté, elle est probablement, c'est très difficile de dire, mais elle est probablement dû au fait que, justement, c'est certainement quelque chose qui se démontre par contradiction, etc. C'est-à-dire que des énoncés simples en mathématiques peuvent se démontrer de manière constructive, mais pas des énoncés très compliqués. Et lorsque les énoncés sont vraiment très compliqués, il faut arriver à passer derrière un certain nombre de barrières. Et ces barrières sont qu'on ne pourra pas la démontrer sans utiliser la contradiction, c'est-à-dire le principe du tiers exclu, etc., etc. Donc, c'est clair qu'elle a déjà joué un rôle moteur phénoménal dans l'invention de concepts mathématiques. Et c'est pour ça qu'elle est extraordinaire. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Le titre qu'on avait choisi pour cette émission, Alain Cohn, c'est « Les mathématiques sont-elles dans la réalité ?» Oui. Alors, je voulais vous interroger un peu là-dessus, parce que un physicien dont j'ai oublié le nom m'a dit qu'un mathématicien dont il avait lui-même oublié le nom avait écrit « La physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun ». Est-ce que c'est une phrase qui vous parle ? Pas vraiment, parce que je considère que la frontière... Non, je considère qu'elles ne sont pas séparées, justement. C'est-à-dire qu'on a une frontière artificielle entre la physique et les maths, au sens, si vous voulez, que, par exemple, prenons les spectres. Revenons aux spectres. Les spectres ont été, au départ, découverts par les physiciens, et qui ont... il y avait un opticien, en fait, qui était Fraunhofer, et qui s'était aperçu que... Qui a un petit rôle dans votre livre. Oui, il a un petit rôle dans le livre. Et qui s'était aperçu que quand on regardait la lumière qui vient du soleil, qu'on la fait passer à travers un prisme, comme faisait Newton, si on regardait ce qui se passe à l'arrivée avec un microscope, eh bien, on voyait un certain nombre de raies noires. Qui était, c'est-à-dire qui venait pas du fait que l'objectif était sale ou quoi que ce soit, mais qui était là vraiment une fois pour toutes. Et ça, c'est un spectre physique. Ce spectre physique ensuite a été réalisé. Là, c'est ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Donc on aura fait le tour des spectres. Et quelques années après, Bunsen et Kirchhoff ont réussi à, en chauffant des corps chimiques, à obtenir certaines raies du spectre comme spectre d'émission. Donc c'était magnifique parce que ça permettait de dire, bien, dans la couronne solaire, il y a ces corps chimiques. Sauf qu'il y avait des raies qu'on n'arrivait pas à reproduire sur la Terre. Et on les a baptisées, on a inventé un corps chimique, un peu comme on a inventé pour la matière noire. On a inventé un corps chimique qu'on a appelé hélium, bien sûr, en l'honneur du Soleil. Et après, il a été découvert dans les laves du Vésuve. Donc c'est extraordinaire. Il a été découvert par son spectre, on pourrait dire. Il a été découvert par son spectre. Alors maintenant, ça c'est les spectres physiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les spectres des corps chimiques, ce sont des spectres mathématiques qui ont été calculés, qui sont calculés par les mathématiques. Donc dire qu'il y a une barrière entre la physique et les maths, c'est faux. Pourquoi ? Parce que les maths sont le langage, bien sûr, dans lequel l'univers est écrit. Et le fait qu'on puisse calculer les spectres des corps chimiques qui seront présents dans n'importe quelle galaxie, n'importe quelle étoile, qu'on puisse les calculer mais par si, les mathématiques. Si je dis que vous êtes encore pire qu'un platonicien, vous êtes un pythagoricien, vous êtes d'accord? Non, j'aime pas trop. Non, platonicien, oui. Hyper platonicien. Oui, au sens où, dans ma propre approche philosophique, effectivement, les mathématiques ont une place très très particulière. Parce que, justement, ce serait faux de vouloir trouver les mathématiques dans la physique. Quand j'avais dialogué avec Jean-Pierre Changeux dans le livre Matière à penser, justement, et il avait cette volonté d'essayer de réduire les mathématiques à une partie du cerveau, une partie de la physique, etc. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ce n'est pas seulement un langage. Bien sûr, ce n'est pas du tout. Moi, j'ai retrouvé une discussion que vous avez eue il y a très longtemps avec André Lichnerowitz. Oui, bien sûr. Oui. Sur cette question, justement. Oui. Et je voulais savoir si vous êtes encore d'accord avec ce que vous disiez à l'époque. Oui. Vous lui dites, je crois qu'un des critères d'une vraie compréhension du monde physique extérieur, c'est notre capacité à comprendre sa position à l'intérieur du monde mathématique. Oui, tout à fait. Donc le monde physique est à l'intérieur du monde mathématique. Tout à fait. C'est pour ça que vous expliquez l'espace et le temps à partir de structures mathématiques, voilà, des espaces de Hilbert, etc. Bien sûr. Donc la réalité ultime, ça serait quoi, les espaces de Hilbert? Disons que le quantique, quand même, et ça sous-tend une énorme partie du travail que j'ai fait sur la géométrie non commutative. Vous voyez, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on parle de l'espace-temps en tant qu'espace géométrique, etc. Mais le quantique nous dit que il y a quelque chose de beaucoup plus primitif que ça. C'est-à-dire, le quantique, en fait, nous dit que c'est l'espace de Hilbert qui est beaucoup plus primitif et que la géométrie doit sortir de l'espace de Hilbert. Et la manière, c'est une structure émergente. C'est une structure émergente, bien sûr. Et la manière dont elle sort de l'espace de Hilbert, c'est spectral. Donc ça sous-tend le livre, en fait. Ça sous-tend le livre. Donc chaque espace a ses gammes, on pourrait dire? Bien sûr, chaque espace a sa gamme. Bon, j'ai trouvé un invariant qui est l'invariant complémentaire pour pouvoir redécrire l'espace. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction du fait que la nature est quantique et que nous en avons une vision classique parce que nous avons des organes de perception qui sont limités, bien entendu. Et puis, pour la sélection naturelle, ce n'était pas vraiment important de comprendre le quantique. Donc, en fait, le thème fondamental de la géométrie non commutative et de ce que j'ai fait, si vous voulez, en maths par rapport à la physique, c'est justement que la géométrie naît dans l'espace de Hilbert. Elle émerge de l'espace de Hilbert. Et à vous partir savez, le premier grand livre de physique quantique, c'est celui de Dirac, qui d'ailleurs apparaît dans mon livre. Bien sûr, Et il se trouve que ce livre était possédé par Majorana. Oui, d'accord. Et il se trouve que la famille de Majorana a encore l'exemplaire. Ah, elle est en train. Ah, ouais, et vous savez que Dirac explique dans ce livre, traité que ce qu'il y a de vraiment fondamental en mécanique quantique, qui fait qu'on ne pourra jamais la ramener à la physique classique, c'est la non-commutativité. Bien sûr. Le fait que AB n'est pas égal à BA, mesurer la vitesse d'une particule puis sa position, c'est pas la même chose que mesurer sa position puis sa vitesse. Et il se trouve que vous avez inventé les géométries qu'on appelle non-commutatives. Oui. Est-ce que c'est un rapport ou Bien sûr, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'origine de la géométrie non-commutative, en fait, elle est très simple. C'est le fait que Heisenberg, avant Dirac, c'est Heisenberg... En 1925, en faisant des calculs, donc c'était très concret ce qu'il faisait. C'était une histoire de spectre. C'est une histoire de spectre. Il cherchait à calculer des spectres. Et il a compris, alors qu'il était sur l'île d'Helgoland... À cause de son asthme. Il a compris que justement, quand on traite de systèmes microscopiques, les calculs que l'on fait d'habitude si on écrit E égale MC2, E égale C2M, ça a peu d'importance. Donc il a compris... que quand on manipule des quantités microscopiques comme la position et le moment d'une particule, eh bien on ne peut plus, il faut faire plus attention. Et ce fait de faire plus attention nous est incroyablement familier à cause du langage. On ne va pas intervertir les lettres, sauf quand on fait des anagrammes. Vous aviez utilisé dans le théâtre quantique l'anagramme du boson scalaire de Higgs, qui donne l'horloge des anges ici-bas. Voilà. Qui était tellement parlante. Les lettres ne commutent pas, en effet. Et voilà. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ces anagrammes? Ça veut dire que si on se permet de commuter les lettres, on perd le sens. Ou on en trouve un autre. Oui, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux phrases, comme le boson scalaire de Higgs ou l'horloge des anges ici-bas, vont devenir les mêmes. Et donc, on perd de l'information. Et la découverte d'Heisenberg dit que quand on traite un système microscopique, les coordonnées de ce système sur l'espace des phases ne commutent pas. Et tout mon travail a consisté à étudier des espaces dans lesquelles les coordonnées ne commutent pas, mais ça aurait été vain et ça aurait été, comment dire, une généralisation gratuite s'il n'y avait eu le phénomène merveilleux, miraculeux, qui est que dans un espace où les coordonnées ne commutent pas, eh bien le temps se manifeste. Et l'espace évolue. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est ça qui m'a motivé pratiquement toute mon existence scientifique. Parce que si c'est ainsi, ça veut dire que c'est des espaces qui ont une thermodynamique. C'est des espaces qu'on peut refroidir. C'est des espaces qu'on peut distiller. Il y a une thermodynamique de l'espace-temps. Des espaces non commutatifs, en général. Alors, dans ma carrière scientifique, ce qui s'est produit, c'est que, en fait, j'ai eu deux... alors on pourrait dire la géométrie non commutative, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des espaces qui ne sont pas commutatifs? Et en fait, donc, j'ai rencontré deux espaces non commutatifs absolument fondamentaux qui ont gouverné ma recherche pendant des années et des années. Le premier, c'est l'espace-temps. Et alors il faut comprendre que l'espace-temps, il a une toute petite non commutativité. Et cette toute petite non commutativité qui vient des algèbres de Clifford, elle explique pourquoi il y a les champs de jauge et pourquoi il n'y a pas la gravité seulement, mais il y a la gravité avec les forces telles qu'on les connaît. Donc ça, c'est un pendant. L'autre pendant, ça a été une découverte qui pour moi a été absolument fondamentale. Ça a été de découvrir que l'espace des nombres premiers, il est relié justement à un espace non commutatif que j'ai trouvé dans les années 96. Et dans les années récentes, avec ma collaboratrice Katia Consani, on a trouvé un topos qui redonne le même espace. Et ça, ça a été en 2014. Donc en 2014, on a trouvé en fait que l'espace que moi-même j'avais trouvé qui était un espace non commutatif, c'était l'espace des points d'un topos de Grothendieck incroyablement simple, qui est un topos qu'on pouvait expliquer à un enfant. C'est-à-dire, c'est un topos qui est basé sur les entiers. Mais les entiers, au lieu de les considérer comme on les prend d'habitude, avec l'addition et la multiplication, puis la relation d'ordre, eh bien, on les considère avec seulement l'addition et la relation d'ordre, et le topos qui vient de la multiplication. Et ça devient un topos de Grothendieck. Et quand on regarde ce topos de Grothendieck, qu'on appelle le site arithmétique, on regarde ses points de manière convenable, etc., on obtient le même espace que l'espace non commutatif que j'avais trouvé. J'ai l'impression que vous vous amusez comme un petit fou. Ah bah oui, ça c'est alors certain. Justement, je suis ravi d'entendre tout le bien que vous dites des anagrammes, parce que ça a à voir avec la non commutativité, c'est très profond, etc. Oui. Et vous avez remarqué qu'en anglais, 12 plus 1, et le plus, je l'écris avec le signe, pas avec les lettres. D'accord. 12 plus 1, ça donne 11 plus 2. D'accord, oui. Ben, c'est une anagramme. C'est vrai à la fois pour le numériquement. Hein, oui, bien 12 sûr. Plus 1, ça fait 13. 11 D'accord. plus 2, ça fait 13. D'accord. C'est les mêmes lettres. Donc c'est plus qu'une anagramme. Et mon ami, oui, c'est mieux. C'est une anagramme mathématique et avec les lettres. Et mon ami Jacques Périsselkov, on a trouvé une en français qui devrait vous plaire. Oui. Mais cette fois, on écrit les signes en toutes lettres. Moins, c'est M-O-I-N-S. D'accord. Plus, c'est P-A-U-S. D'accord. Eh bien, 101 moins 60 plus 15. Oh là. Ça donne 51 plus 11 moins 6. Ah, d'accord. Okay. Et dans les deux cas, ça donne 56. C'est pas mal. C'est les mêmes lettres. D'accord, c'est pas mal. Voilà, pas donc c'est une sorte de géométrie non commutative. très sommaire, mais qui devrait quand même vous parler. C'était un plaisir de vous recevoir, Alain Cohn. Vraiment, on pourrait continuer des heures comme ça. C'est évident. Mais je recommande vivement la lecture de ce roman qui ne ressemble à aucun roman publié, en tout cas dans cet univers, qui s'intitule « Le spectre d'Akatama ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, poussé par le moteur du temps identifié par Alain Cohn, nous retrouvons Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.